Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Donner de la voix, votre émission engagée et citoyenne sur Fadjet 94.2. 15 minutes d'entretien avec un membre d'une association de votre région pour vous donner envie de vous engager. Et aujourd'hui, l'Armée du Salut, association de lutte contre la pauvreté, la dépendance et l'exclusion sociale, avec Éric Tiger, officier de l'Armée du Salut. Donner de la voix sur Fadjet, présenté par Augustin. Bonjour Éric Tiger. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un plaisir pour nous que de vous recevoir. Je sais que vous avez énormément d'obligations. Je vais d'abord vous demander de nous présenter l'Armée du Salut et son projet. Qu'est-ce que c'est au fond l'Armée du Salut ? Alors l'Armée du Salut, c'est avant toute chose une église dans ses racines, puisque notre fondateur, qui était un pasteur méthodiste anglais, et donc l'Armée du Salut s'est développée dans le monde entier, et donc il ne concevait pas que d'apporter la parole de Dieu à quelqu'un qui avait froid et faim. Mmh. Et donc de là sont nées les premières œuvres sociales, avant même que le nom d'Armée du Salut, que l'Armée du Salut porte ce nom-là, puisqu'elle avait comme nom mission chrétienne au départ. Et le but, c'était que les gens, une fois rétablis dans leur physique, dans leur morale, puissent retourner dans leurs églises respectives. Sauf que ces personnes étaient exclues de leurs propres églises parce que justement, c'était des gens qui venaient de la rue, des alcooliques, des anciens alcooliques ou autres. Mmh. Et donc, ils sont revenus voir William Booth, le fondateur, en lui disant « Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, l'Armée du Salut s'est créée par la suite en tant que telle. Et donc ici, en fait, l'Armée du Salut, ce sont des œuvres sociales pour favoriser la réinsertion sociale et religieuse, finalement. Voilà, c'est ça, oui. Mmh. En gros, dans les grandes lignes. Et on se permettra de signaler que William Booth était aussi l'un des pères fondateurs de la sociologie. Et quelles sont les missions, finalement, de l'Armée du Salut ? Elles sont très variées, puisqu'en France, nous avons donc la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, que l'Armée du Salut a donc dû appliquer aussi. Et donc aujourd'hui, il y a deux entités au sein de l'Armée du Salut, la Fondation, qui est, on va dire, dans les grandes lignes, la branche laïque de l'Armée du Salut, et la Congrégation, qui est la branche religieuse. Mais les deux sont chapeautés par le même responsable, et toutes les deux travaillent en très bonne harmonie. C'est juste qu'une loi française a dû nous permettre de séparer, nous obliger de séparer donc les deux entités. Au sein de la Fondation, elle s'occupe principalement de tout ce qui est atelier d'insertion, centre d'hébergement, enfin les grosses unités qui demandent des locaux et des subventions d'État. Et donc la branche congrégation, c'est donc l'évangélisation, mais nous mettons en pratique ce que nos fondateurs donc, ont voulu, et donc nous apportons une aide aussi, une aide de proximité, on va dire. Mmh. Et quelle forme est-ce qu'elle peut prendre, cette aide de proximité ? Alors ça dépend les villes. En France, donc, nous sommes présents dans 26 villes, d'une ville à une autre, d'un centre, donc d'un poste de la congrégation à une autre, nous n'avons pas forcément les mêmes activités. Et à Nancy, du coup ? Alors, à Nancy, nous avons des cours de FLE, donc de français langues étrangères pour les étrangers. Donc, cette année, nous avions encore 3 niveaux. Nous sommes là où une des rares structures sur Nancy à faire les petits déjeuners en hiver pour les gars de la rue. Il y a des repas le midi, des repas le soir qui sont gérés par d'autres associations. Et nous avons les petits déjeuners, donc c'est à peu près 4000 petits déjeuners que nous servons sur 6 mois en hiver. Et puis après, nous avons d'autres activités, nous avons un groupe de bricolage, nous avons ce qu'on appelle la Ligue du Foyer chez nous, c'est un groupe de dames qui se réunissent. Nous avons aussi une troupe scout pour les enfants. Donc, et nous avons aussi des aides qui peuvent venir pour des personnes qui sont dans le besoin sur des produits alimentaires. Voilà. Puis on a encore d'autres projets pour l'avenir. Et donc finalement, de nombreux projets pour un public très varié. Très très très varié, oui. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ? Je suppose que vous avez un site internet par exemple ? Alors il y a le site internet national de l'armée du salut.fr, donc tout le monde peut le trouver, vous tapez armée du salut sur internet. Sur Nancy, donc sur le site national, il y a des petits onglets qui répartis par ville. Mmh. Donc vous pouvez nous retrouver avec nos coordonnées dessus. Et nous avons, en tout cas à Nancy, une page Facebook Armée du Salut, que nous avons créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis là, on est en train de, justement, sur un projet que nous avons avec les membres de notre communauté, de nous faire connaître. Nous allons ouvrir une page Twitter et on a un bénévole qui est professionnel de tout ce qui est publicité et donc il va nous ouvrir des trucs et c'est lui qui va s'occuper de gérer ça, justement, pour nous connaître. Et quelle est l'adresse de vos locaux à Nancy ? Alors, nos locaux principaux sont 4 rue Sébastien Leclerc, donc dans le canal de Meurthe, le long du canal, dans le quartier de Meurthe. Et puis, nous avons une autre annexe en centre-ville, rue Clodion, au numéro 2, où nous servons les petits déjeuners, où nous avons le vestiaire qui est ouvert à tous, où il y a aussi la fripe pour les gars de la rue s'ils ont besoin. Enfin, il y a de quoi. Nous avons 2 structures sur Vinancy. Et comment fonctionne l'Armée du Salut ? Vous êtes des bénévoles, des salariés ? Comment ça se passe ? Alors, c'est un peu plus compliqué. Les seuls salariés, entre guillemets, au sein de la congrégation de l'Armée du Salut, hein, je ne vous parle pas de la fondation, puisque la fondation, ce sont des professionnels du social qui ont un contrat de travail, qui ont un salaire du secteur social. Mais au niveau de la congrégation... Donc la branche plus religieuse, voilà, qui elle, va être dans des œuvres sociales. Voilà, où je suis responsable, voilà. Donc au niveau de la congrégation, les seuls, on va dire, salariés, entre guillemets, c'est mon épouse et moi-même, parce qu'on est pasteur. Mais on n'a pas un salaire à taux plein, puisqu'on est pasteur, donc c'est un engagement. On n'a pas de salaire, on a une solde, ça exprime bien ce qu'on a. Oui. Voilà. Mais nous avons quand même des avantages qui sont de l'ordre de l'appartement de fonction, tout ça. Mais tous les restes de notre communauté ne sont que des bénévoles. Et si on veut s'engager à vos côtés, aux côtés de l'Armée du Salut, on peut le faire simplement en se rendant dans vos locaux ? Alors, il faut venir nous voir. On passe un petit entretien, voir selon vos souhaits, les souhaits des personnes, ce qu'ils souhaiteraient faire, et puis selon aussi ce que nous, on peut proposer. Et puis, il n'y a pas besoin d'être chrétien aussi pour s'engager. Ce n'est pas parce qu'on a une église qu'on refuse des gens. C'est ouvert à tous. On a même des athées parmi nos membres, nos bénévoles. Donc, voilà, c'est juste qu'ils reconnaissent que la fonction sociale de l'Armée du Salut leur convient et donc nous aide. Et à propos de vous, Éric Tiger, en quoi consiste votre travail au quotidien ? Alors, en tant qu'officier de l'Armée du Salut, je parle toujours au pluriel puisque l'Armée du Salut reconnaît le ministère de couple. Et donc, mon épouse et moi-même avons la même formation, le même ministère, c'est-à-dire que nous avons le même grade, la même fonction. Si vous vous adressez à elle, vous vous adressez à moi et vice-versa. Voilà, donc on est une des rares églises à avoir le ministère de couple. Et donc, en tant que ce qu'on appelle des ministres de Dieu, nous sommes pasteurs, entre autres. Et donc, nous avons une fonction pastorale qui est l'évangélisation avec les cultes le dimanche. On a des réunions de prière, des études bibliques et plein d'autres activités spirituelles. Et puis donc, on gère tout ce qui est l'action d'intérêt général, donc toute l'action sociale de proximité. Et donc, depuis le mois de novembre, la Fondation de l'Armée du Salut, pour nous aider dans ses actions sociales, puisqu'elle est en fort développement au niveau de l'Armée du Salut, le responsable national a décidé de nous attacher, de détacher un salarié de la Fondation pour nous aider au sein de la congrégation. Et comment est-ce que vous vous rendez au-devant des personnes en difficulté ? Est-ce que certaines viennent vers vous ? Ou bien est-ce que c'est vous qui arrivez à les percevoir par vos réseaux de bénévoles ? Alors, il y a un peu de tout. L'Armée du Salut est présente depuis bientôt 100 ans sur Nancy. On fêtera nos 100 ans en 2021. Donc, ce n'est pas une petite association. En effet. Voilà, 2021, ça va faire un centenaire. L'Armée du Salut existe depuis maintenant 153 ans, je crois. Donc, c'est pas d'hier. Et donc, nous servons les petits déjeuners depuis très, très longtemps. Donc, les plus démunis, les SDF, tout ça, se passent le mot et viennent au petit déjeuner d'eux-mêmes. Voilà. Ensuite, y a tous les réseaux sociaux, les travailleurs sociaux, les CCAS ou autres, pour des demandes spécifiques qui nous appellent. Et puis, des fois, il y a aussi des personnes qui viennent directement. Et il y a un thème assez particulier que je souhaitais aborder avec vous. Vous me confirmerez ou non cette information, c'est que j'ai pu voir que l'Armée du Salut s'impliquait dans l'accueil des migrants à Nancy. Alors, est-ce le cas pour vous ? Et quelle que soit votre réponse, en quoi est-ce que ça impacte votre quotidien ? Alors, l'accueil des migrants sur Nancy est un accueil un peu particulier. En fait, c'est une branche qui a été ouverte par la Fondation de l'Armée du Salut sur décision préfectorale. Donc, la préfecture a engagé une procédure de réquisition pour des locaux et a demandé à l'Armée du Salut de prendre en charge l'accueil des mineurs isolés. Donc ce sont des mineurs migrants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de... Voilà, donc le temps qu'ils soient décidés par les services judiciaires ou autres, s'ils sont mineurs ou majeurs, de vérifier tout ça, ils sont hébergés là-bas. Alors pour nous, ça n'a pas d'incidence directe sur notre travail, sauf que comme c'est une procédure qui a été faite en urgence, il a fallu trouver des locaux pour faire le recrutement des salariés, tout ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, on travaille en parfaite harmonie avec la fondation, et donc ils ont utilisé nos locaux pour faire les recrutements. Et maintenant, nous avons donc, en tant qu'Armée du Salut, une aumônerie pour ces jeunes qui sont là-bas, et aussi pour le personnel, pour ceux qui le souhaitent. Oui, c'est-à-dire que du coup, l'Armée du Salut est finalement en première ligne dans l'accueil des migrants. Finalement. Très souvent. Et justement, que ce soit pour cette mission en particulier, qui est tout de même très présente dans l'actualité, ou pour d'autres, est-ce que vous travaillez en lien avec d'autres associations dans Nancy et sa région ? Alors, pour cette mission particulière, ça sera plus la fondation qu'il faudra interroger, mais en tout cas, en règle générale, sur Nancy, on travaille avec d'autres associations, oui, la Banque Alimentaire. Je sais que le centre de Surupt travaille aussi avec la Banque Alimentaire, mais à l'occasion, il nous est arrivé de travailler aussi avec la Croix-Rouge voilà, et d'autres associations pour différentes missions ou des demandes. Et parmi toutes les actions auxquelles vous avez participé, parce que pour les auditeurs, vous m'avez simplement expliqué avant l'émission que cela faisait bien des années que vous étiez intégré dans l'Armée du Salut, 33 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Parmi toutes les actions auxquelles vous avez participé, rectigé, lesquelles vous ont le plus marqué, vous ont le plus donné d'expérience ? Alors moi, je suis arrivé à l'Armée du Salut à l'âge de 11 ans, donc ça fait quand même un paquet d'années. Et ce qui m'a fait venir à l'Armée du Salut, c'est la branche scout. Ouais. Voilà, donc moi, je suis chef scout, donc je suis scout depuis l'âge de 11 ans et chef scout depuis 27 ans. Et le scoutisme, voilà, tout le monde sait un peu ce que c'est l'entraide, l'aide de son prochain, c'est, voilà, il y a plein de choses. Et donc, c'est ce qui m'a toujours fait, c'est une des activités qui m'a toujours fait tenir, qui a un peu conduit toute ma vie, quoi. Et finalement, à partir de ces actions de scoutisme, c'est à partir de là que vous avez pris la décision de vous engager à plus long terme. Et sinon, pourquoi avez-vous pris la décision de vous engager? Et pourquoi finalement avoir poursuivi avec l'Armée du Salut? Alors, moi je ne suis pas d'origine salutiste, hein, je suis catholique d'origine. Après, vers l'âge de 11 ans, j'ai trouvé ma voie ailleurs, donc dans le scoutisme à l'Armée du Salut. Et étant jeune adulte, j'ai eu des expériences de vie, avec l'alcool principalement, et avec le monde de la rue, donc je me suis retrouvé SDF. Parce que voilà, l'alcool... provoque beaucoup de dégâts. Ouais. J'ai coupé les ponts avec tout le monde, j'ai même coupé les ponts avec Dieu, avec l'Armée du Salut pendant quelques années. Et puis un jour, quelqu'un est venu me demander de faire de l'encadrement d'une troupe, et donc je suis revenu comme ça. Et petit à petit, la présence de Dieu s'est fait plus forte en moi, et cet appel à devenir officier de l'Armée du Salut s'est de plus en plus ancré. Et ensuite, il y a tout un cursus de formation qui dure plusieurs années. Voilà. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'était un long chemin. Oui, je suppose. Et pour conclure, Éric Tigé, puisque nous arrivons malheureusement au terme de cette émission, qu'est-ce que c'est que l'engagement civique pour vous ? Vous nous avez déjà donné quelques pistes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous s'engager finalement ? Alors s'engager, c'est pouvoir pour moi aider son prochain, apporter de l'aide à son prochain. Mais il y a 36 000 façons de s'engager. Chez nous, il y a plein d'actions. On a des grandes ventes de charité. Alors s'engager, ça peut être simplement en venant faire des dons d'affaires. Ça peut être en venant aussi à nos ventes. Ça peut être venir nous donner un coup de main au petit déjeuner, puisque malheureusement, on a de plus en plus de mal à avoir de bénévoles pour les petits déjeuners, pour les gars de la rue. Voilà. Donc, et puis, ça peut être aussi, d'une autre manière, nous suivre tous les mois, en nous faisant un don régulier. Ça peut être aussi en nous aidant, parce que malheureusement, nos locaux de Clodion sont assez exigus et ne permettent pas un développement intéressant au niveau de l'action sociale. Et donc, c'est nous aider dans la recherche de locaux. Il y a plein de façons de s'engager, d'avoir un engagement civique. On est habilité maintenant à recevoir aussi des services civiques. Donc, dès l'année prochaine, on espère pouvoir en avoir un. qui sera encadré par notre salarié Anthony, qui s'occupe de l'action sociale. Mais voilà, donc il y a plein de façons de s'engager. Eh bien, je crois, Eric Tiger, que le message est passé, finalement. Nous appelons nos auditeurs à se pencher sur la question de l'engagement, puisque tout un chacun peut s'engager en suivant la religion ou non. Ou non, ouais. Tout engagement est bienvenu, tout engagement est possible et surtout, tout engagement est nécessaire. Merci Eric Tiger pour ce message de volonté. Et chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie pour votre attention suite à cette nouvelle édition de Donner de la Voix et je vous souhaite à tous une bonne semaine engagée. Donner de la Voix sur Fadjet, présenté par Augustin.